Section 68 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 16, deuxième partie. L'Empire grec. Par Alfred Rambeau. Faiblesse militaire de l'Empire grec. Michel VIII, mort en 1282, fut le dernier grand capitaine et le dernier grand politique de Byzance. Il avait bien pu reprendre Constantinople avec une faible armée sur un ennemi plus faible encore. Mais il n'était au pouvoir d'aucun empereur grec de reprendre les provinces d'Asie aux Turcs et aux Comnènes, de Trébizonde, les provinces d'Europe aux Bulgares, aux dynastes indigènes ou étrangers, de la Hellade et des îles. L'Empire grec ne sera qu'une province de l'Empire qu'il fut autrefois. Il restera un corps grêle et disloqué, sous une tête énorme, Constantinople. Il ne pouvait recouvrer sa prospérité évanouie. Ses parasites italiens s'étaient incrustés plus avant que jamais dans son organisme. Dans chacune des villes restées à l'Empire, il y avait une ville vénitienne et une ville génoise, et, dans chacune, le podestat de ces colonies étrangères était autrement puissant que le gouverneur impérial. Comme l'Empire n'avait pu recouvrer ni Trébizonde, ni l'Épire, ni la Hellade, ni la Crète, ces provinces, où il recrutait autrefois ses légions parmi les stratotaï fiefés, il était plus que jamais à la merci des troupes étrangères. Seulement, comme il n'était plus assez riche pour les soldats, les barbares jouaient maintenant dans l'Empire le rôle non plus de mercenaires, mais d'auxiliaires autonomes. C'étaient des armées entières. Sous leurs chefs nationaux qui campaient dans les provinces, sur les frontières, sous les murs de la capitale, ne servant que leur intérêt et leur passion, tantôt pillant comme en pays ennemi, tantôt se livrant entre elles des combats qui ébranlaient la monarchie. Encore moins, l'Empire pouvait-il posséder une marine à lui. Il n'avait d'autre ressource que d'opposer à une flotte génoise, une flotte vénitienne, et réciproquement. Andronique II, la grande compagnie catalane. Les Alains, les Turcs. Cette impuissance se manifesta sous le successeur même de Michel VIII, Andronique II. Pour arrêter les progrès des Turcs en Asie, il lui restait un général de race grecque, Alexis Philanthropène. Celui-ci avait dans son armée plus d'aventuriers turcs que de sujets romains. Ne recevant plus la solde de ses hommes, quand il prenait une ville, il leur en abandonnait le butin. L'armée ne se recrutait et ne se maintenait que par lui. C'était sa création et sa propriété, plus que celle de l'empereur. Il fut comme un Wallenstein byzantin, nourrissant la guerre par la guerre. Le jour vint où les soldats le contraignirent à se déclarer empereur. Puis la trahison d'une partie de ses troupes le livra aux officiers impériaux qui lui firent crever les yeux. Cette étrange armée de Philanthropène fut cependant la dernière armée à peu près nationale qu'ait possédée Byzance. Dans le même temps sévissait la guerre entre Venise et Gênes. La flotte génoise était censée être la flotte de l'Empire. Les Vénitiens, après l'avoir dispersée, vinrent assiéger leurs rivaux dans Péra et Galata, brûlant les maisons grecques en même temps que les italiennes. 1296. Andronique II parvint à faire accepter un armistice. Mais à quelque temps de là, les Génois se jetèrent sur les Vénitiens de Constantinople et les massacrèrent. Il fallut que l'empereur fît porter ses excuses à Venise. Ses ambassadeurs furent renvoyés avec mépris. En 1302, Ferdinand d'Aragon, roi de Sicile, qui venait de signer la paix avec Charles II d'Anjou, roi de Naples, autorisa son amiral, Roger de Flore, à offrir à Andronique II ses services et ceux des mercenaires qu'on était forcé de licencier. Roger partit de Messine avec 26 navires portant 8000 guerriers. Ceux-ci étaient ou des Aragonais ou des Catalans ou des Almogavins, montagnards, armés à la légère. C'est ce qu'alors on appela la Grande Compagnie catalane. À Constantinople, Roger fut accueilli avec les plus grands honneurs. On assigna pour résidence à son armée et à lui le quartier des Blachernes. C'était une ville étrangère de plus dans Constantinople. Ses guerriers reçurent une solde plus élevée que les Grecs. Lui-même fut fait mégaduc, puis César, et épousa la porphyrogénète Marie, nièce d'Andronique. Les excès de ses soldats, leur rixe sanglante avec les Génois, dont 3000 auraient été massacrés, firent hâter le passage en Asie. Là, tout de suite, au cri d'Aragon, Aragon, ils se jetèrent sur les Turcs. Rien ne put résister à leur élan. Mais le pays, par eux délivré, n'eut pas à se louer de leur succès. Ils étaient pillards et cruels, comme le seront plus tard les bandes de Charles Quint. Le point d'honneur, l'esprit de corps, les mettait sans cesse aux prises avec les soldats impériaux de nationalités différentes. Maintenant, c'était avec les Alains, Russes et Caucasiens. Dans une rixe, ils en tuèrent 300. Rappelée en Europe pour parer à une invasion bulgare, la grande compagnie fut cantonnée dans la presqu'île de Gallipoli. La cour s'effrayait de la voir se grossir sans cesse de nouveaux renforts. En Asie, Rocafort lui avait amené de Sicile 200 cavaliers et 1000 almogavards. À Gallipoli, Béranger d'Estensa rejoignait avec 1000 fantassins et 300 cavaliers. Tout Aragon et Catalogne semblaient vouloir se déverser sur les campagnes de Byzance. Andronique II ne se sentait plus chez lui. Plus irrité encore était son fils, Manuel, qu'il avait associé à l'Empire et qui gouvernait Andrinople. Dans une visite que Roger fit au jeune prince, il fut, sur le seuil de la chambre impériale, assassiné par le chef des Alains. Partout, les autres corps de l'armée impériale, Alains, Turcs, Turcopoles, firent main basse sur les Catalans. À Constantinople, le peuple les massacrait. Assiégée dans Gallipoli, la grande compagnie se défendit vigoureusement et répondit au massacre par d'atroces représailles. Le jeune empereur Michel, qui était venu les attaquer, fut battu, blessé, manqua d'être pris. Ils appelèrent les Turcs d'Anatolie, débauchèrent même les Turcopoles impériaux. Ainsi, le Basileus avait sur les bras tous les aventuriers d'Espagne et tous ceux d'Anatolie, les catholiques et les musulmans. Les Alains, mal payés, l'abandonnèrent et se dirigèrent sur la Bulgarie en saccageant la Macédoine. Les Catalans, vindicatifs comme des Ibères, coururent sur leurs traces, forcèrent leur enceinte de chariots et massacrèrent tout. Leur audace grandissant, ils essayèrent d'enlever Andrinople. Ce ne fut pas la valeur des Grecs, mais bien la famine, causée par ses propres ravages et aussi les divisions entre ses chefs qui délogèrent enfin de Gallipoli la grande compagnie. Un moment, elle avait essayé de prendre figure d'État chrétien. Une partie des chefs avait appelé à Gallipoli l'infant Ferdinand, fils du roi de Majorque, et obtenu de l'armée qu'elle lui prêta serment. La jalousie de Rocafort fit échouer cette tentative. Il se révéla dans ses bandes un parti aristocratique, avec Béranger d'Estensa, Fernand Ximénez, Muntaner, l'historien de leurs exploits. Mais Rocafort avait gagné les plus pauvres et les plus aventureux, la plèbe de l'armée, les Almogavars, les Turcopoles et les Turcs. Pendant la marche de Gallipoli en Macédoine, d'Estensa fut égorgé par les soldats de Rocafort. Puis Rocafort fut enlevé par ceux du parti d'Aragon. Ses soldats, pour le venger, massacrèrent tout ce qu'il y avait parmi eux de nobles et de chevaliers. Ils formèrent alors une pure démocratie militaire, dont les chefs étaient élus. C'est cette bande qui, renforcée de Turcs et de Turcopoles, parvint en Attique, appelée par Gautier d'Athènes. Nous avons vu ce que furent ses destinées ultérieures. Andronique II eut ensuite affaire à ses Turcs et Turcopoles, qui revenaient de l'Attique au nombre de 3600. Ils ne demandaient qu'à repasser en Asie. Le stratopédarque Sanachérim et l'empereur conçurent le projet de les surprendre et de leur enlever leur butin. Ils furent battus, la tente impériale fut prise, la Thrace ravagée pendant 2 ans par ces gens exaspérés. On ne put les détruire qu'avec l'aide des Serbes et des Génois. Byzance, comme Carthage, avait eu sa guerre des mercenaires. Les guerres civiles, les deux Androniques, Usurpation de Cantacuzène. Si réduit que fût l'Empire grec, si précaire que fût son existence, il était, tout comme au temps de sa grandeur, en proie aux complots, aux révoltes, aux tentatives d'usurpation, aux luttes entre les princes de la famille impériale, aux guerres de succession. Ce fut d'abord la révolte d'Andronique le Jeune, Andronique III, contre son aïeul Andronique II. Andronique le Jeune fut soutenu par la plupart des hauts dignitaires, notamment par le grand domestique Cantacuzène. Celui-ci était, dans tous les sens du mot, le meilleur comme le pire. Un Byzantin, instruit, intelligent, un des plus fins politiques de son temps, mais sans vue très haute. L'écrivain le plus distingué de son siècle, mais avec tous les défauts littéraires du siècle. Ambitieux à l'excès, mais capable de renoncer au monde pour entrer dans un cloître. Aussi dénué de morale qu'un Borgia, mais avec un fond de sentiments mystiques. Andronique III, resté seul empereur, montra de la bravoure contre les Turcs. Mais il ne put arrêter leur conquête en Anatolie, ni prévenir leur descente en Europe, ni achever la conquête de l'Épire, ni vivre en paix avec ses voisins de la péninsule. Il mourut en 1341, laissant un fils mineur, Jean V, sous la régence de sa femme, Anna de Savoie. Le grand domestique Cantacuzène affecta d'abord de les protéger. Ses protégés le trouvèrent bientôt trop puissant. On ourdit des trames contre lui, on emprisonna ses parents, on laissa piller les maisons de ses partisans. Ceux-ci le contraignirent à ceindre la couronne sous le nom de Jean VI. La guerre civile se déchaîna de nouveau sur l'Empire. Cantacuzène s'alliait à Stéphane, kral de Serbie, et à Omourbeg, émir, seldjoukide de Lyonie. Anna de Savoie appela le rival de celui-ci, Ourkan, sultan des Osmanlis. Les intrigues alternaient avec les massacres. Cantacuzène sut gagner à sa cause ce même Ourkan, en lui donnant sa fille Théodora. D'autre part, on autorisait les infidèles à enlever les sujets byzantins et l'on mettait à leur disposition les ports et les vaisseaux de l'Empire pour transporter sur les marchés d'Asie leurs captifs. Les étrangers profitaient de l'anarchie pour faire main basse sur les provinces et les villes. Le kral de Serbie conquérait la Macédoine jusqu'à Fère et s'intitulait tsar des Grecs et des Serbes. Les Chinois reprenaient Chios, que leur avait enlevé Andronique III, et venaient bloquer Constantinople, défendu par d'autres Italiens, sous Facciolati. Celui-ci, pendant un banquet donné par l'impératrice à ses partisans, ouvrit à Cantacuzène la porte d'or. Anna fut obligée d'en venir à un accommodement. Il fut convenu que Cantacuzène serait empereur en premier, mais seulement pour 10 ans, c'est-à-dire jusqu'au moment où Jean V atteindrait sa 23e année. Ni d'une part, ni de l'autre, leurs partisans ne furent satisfaits de la transaction. Si faible était l'Empire, que les Génois osaient lui faire la loi dans sa propre capitale. Cantacuzène avait essayé de reconstituer une marine hellénique. Il voulait ramener un peu d'activité dans le port de Byzance par un abaissement des droits de douane. Les Génois trouvèrent que cela nuirait à leur colonie de Galate. Ils massacrèrent l'équipage d'une barque grecque, exigèrent qu'on leur cédât tout un grand territoire attenant à Galate. Une guerre s'ensuivit. Elle dura 4 ans, 1348-1352. Contre les Génois, les Grecs avaient appelé les flottes vénitiennes et catalanes. Une sanglante bataille navale se livra sous les murailles mêmes de la ville. Les Génois furent vainqueurs. Cantacuzène dut capituler. 6 mai 1352, elle leur accordait tout ce qu'ils demandaient. La guerre civile recommença bientôt. Tout le pays fut horriblement ravagé. Une armée ottomane, aux ordres de Suleiman, fils d'Ourkan, et soldée par Cantacuzène, enlevait les habitants par milliers. D'abord, Jean V fut dépouillé de son autorité et de ses domaines particuliers. Mathieu, fils de Jean VI, fut en lieu et place du prince déchu, associé à son père et sacré empereur à Sainte-Sophie, 1354. Puis, en 1355, avec le concours de Francesco Gattiluzio et d'autres Génois, le paléologue surprit l'entrée de Constantinople. Il fallut négocier. Jean V et Jean VI continueraient à vivre dans le palais, avec une égale autorité. Mathieu conserverait la couronne, à titre viager, avec Andrinople. Lesbos était cédé en toute souveraineté à Gattilusio. 1355. Jean VI ne se sentait pas le plus fort. Soit pour ce motif, soit qu'il éprouva le remords d'avoir causé tant de maux à l'Empire, soit qu'il fut pris d'un accès de ferveur religieuse et de mépris pour les choses de ce monde, il prit le froc et se retira dans le couvent de Mangan, 1355. Il n'en sortit que pour joindre ses prières aux menaces de Jean V afin de décider son fils Mathieu à déposer la pourpre. Par l'abdication qu'il avait arrachée à son fils, l'ordre légitime de succession reprenait son cours dans la famille des paléologues. Par malheur, l'Empire grec du XIVe siècle n'était plus assez robuste pour subir les épreuves de ces guerres civiles. Des pertes irréparables en hommes, en argent, en territoire, venaient de lui être infligées. Gênes, Venise avaient enfoncé plus avant leurs griffes en ce corps affaibli. La Morée grecque et même Thessalonique s'étaient accoutumées à vivre de leur vie propre. Enfin, les divers partis avaient montré aux Ottomans les chemins que ceux-ci ne devaient plus oublier. Jean V, l'Empire grec et l'Occident. La croisade au XIVe siècle. Seule l'Europe latine aurait pu sauver l'Empire grec, mais au XIVe siècle, elle était travaillée par les guerres de nation à nation, par les antagonismes de pape romain à pape avignonnais, et même de concile à concile. Quand un souverain pontife pouvait paraître autorisé à parler au nom de l'Europe, il mettait comme condition préalable à un concours incertain la reconnaissance de sa suprématie par l'Église d'Orient. Au lendemain de la prise de Saint-Jean d'Acre, le pape Nicolas IV avait prêché la croisade contre le Soudan d'Égypte, essayé de grouper dans une action commune Philippe IV de France, l'empereur allemand Rodolphe, l'empereur grec Andronique II, les rois de Naples, de Chypre, d'Arménie, de Géorgie, le khan mongol de Perse. La mort surprit le vieux pontife pendant ses préparatifs, avril 1292. Il serait trop long de rappeler tous les projets de la croisade qui s'agitèrent à la cour des papes d'Avignon et des rois de France, de Philippe le Bel à Philippe VI de Valois. Sous Benoît XII, une flotte fut placée sous les ordres du légat Henri, patriarche in partibus de Constantinople. On enleva Smyrne à l'émir d'Ionie, au Mourberg, 1343. En vue de Latos, 52 navires corsaires furent détruits par la flotte chrétienne, 1344. Puis vint, sous le pape Clément VI, la piteuse croisade de Humbert II, dauphin de Viennois. Il n'osa même pas secourir Caffa, qu'assiégeaient les Tatars. En 1361, Pierre Ier de Chypre, soutenu par les contingents du pape, de Gênes, de Rhodes, enleva Saint-Alliet, Atalia, aux Seldjoukides. En 1365, il se tourna contre l'Égypte, s'empara d'Alexandrie après une brillante victoire, mais ne put la garder. Sur la côte de Syrie, il conquit Tripoli, Tortose, Latakia, la Odyssée, mais il n'était pas de force à lutter à la fois contre le Soudan d'Égypte et les émirs Seldjoukides d'Anatolie. En 1366, parut dans les eaux byzantines Amédée VI de Savoie, oncle de Jean V. Il enleva aux Turcs Gallipoli et Sozopolis, repoussa une invasion des Bulgares, leur prit Mezenbria et Varna, leur imposa la paix. En 1390, Louis II de Clermont, duc de Bourbon, débarquait en Tunisie devant Africa, Meadia, mais échouait dans l'assaut. Ainsi donc, en Occident, l'esprit de croisade n'était pas éteint. Seulement, on frappait sur tous les points, au hasard, au gré des intérêts particuliers, de Venise, de Gênes, de Chypre, des maisons angevines ou aragonaises. On s'attaquait à la fois aux Seldjoukis et aux Osmanlis, aux Mamelouks d'Égypte et aux Berbères d'Afrique. Beaucoup de ces croisades s'inspiraient de sentiments peu bienveillants pour l'Empire grec. Dans nombre de projets présentés au pape et aux souverains d'Occident, la conquête de Byzance était indiquée comme le préliminaire indispensable à la délivrance de la Terre Sainte. Cependant, cette épée de l'Occident, encore si redoutable, bien que sa poignée fût en temps de main, Jean V, paléologue, espéra pouvoir la tourner contre les ennemis de l'Empire. Il fallait que pressant fût le danger pour que le chef de l'Église orthodoxe consentît à aller s'agenouiller à Rome devant le pape Urbain V, 1369. Par malheur, les ressources du pape étaient épuisées par les dernières entreprises. À Venise, Jean V dut emprunter à gros intérêts pour pouvoir continuer son voyage. Après une tournée infructueuse dans le midi de la France, repassant par Venise, hors d'état de rembourser ce qu'il avait emprunté, Jean V fut emprisonné à la requête de ses créanciers. Ainsi, la personne sacrée de l'héritier de Constantin le Grand devenait le gage de quelques usuriers vénitiens. Jean V et ses fils. L'Empire tributaire des Turcs. Jean V avait deux fils, auxquels il avait d'avance partagé ses états. Le premier, Andronique, avait été associé à l'Empire. Le second, Manuel, était gouverneur de Thessalonique. L'empereur s'adressa d'abord à l'aîné, le suppliant de réunir des fonds pour sa rançon. Andronique répondit sèchement que toutes les caisses étaient vides. Au fond, il ne se souciait pas de hâter le retour de son père et collègue. Manuel avait le cœur mieux placé. Il engagea ses domaines et fit parvenir l'argent. Jean V, de retour à Constantinople, récompensa ses fils suivant leur mérite. Il mit en disgrâce Andronique et associa Manuel à l'Empire. Abandonné de toutes les puissances, il consentit à payer tribut à Mourad Ier. Puis, sous le poids de nécessités écrasantes, Jean V descendit encore d'un degré dans l'humiliation. Outre le tribut, il promit à Mourad de lui fournir le contingent militaire et de lui donner un de ses fils en otage. Maintenant, l'Empire grec, à l'égard des Turcs, se trouvait exactement dans la même situation que les princes russes à l'égard des Khans de la Horde d'Or. Comme les princes de Moscou, Tver, Riazan, le Basileus ne vivait qu'en s'humiliant. Comme eux, il lui fallait ramper à la Horde. Sa situation était pire que la leur. Le Khan ne demandait aux Kniaz russes que le tribut, l'obéissance, le contingent. Qu'aurait-il pu exiger de plus, et que trouvait-il dans cette misérable Russie qui put le tenter? Il n'en était pas de même dans les relations du sultan et du Basileus. Le premier ne pouvait pardonner au second de s'éterniser dans la ville qui était la capitale désignée du nouvel empire. Les exigences furent donc plus âpres, les humiliations plus cruellement calculées, le désir de la spoliation totale et inextinguible. Jean V termina en 1391 sa vie d'angoisse. Il eut pour successeur son fils Manuel. Manuel II est le Péloponnèse. Celui-ci, de tous les paléologues, eut l'esprit le plus cultivé, l'âme la plus généreuse. Il n'en ressentit que plus douloureusement la honte de ses temps d'opprobre. Parmi les princes russes, c'est à Alexandre Nevski qu'on pourrait le comparer. Du vivant de son père, il avait tenté d'enlever fer aux Ottomans. Il ne réussit qu'à faire saccager Thessalonique, son apanage, et, pour sauver son père et l'Empire, dut aller porter sa tête au camp de Mourad, qui lui fit grâce de la vie. L'histoire de Byzance, désormais, se confond avec celle des Ottomans. Nous ne voulons ici dégager qu'un épisode, les rapports de Manuel II avec la Morée. L'anarchie de la Morée grecque n'avait rien à envier à celle de la Morée française ou italienne. À mesure que se réduisait le territoire de l'Empire, une transformation s'opérait dans l'administration. Les empereurs avaient si peu de provinces, et en même temps les princes impériaux étaient si nombreux, que ceux-ci finirent par remplacer partout les stratèges. L'Empire se démembrait en principautés apanages. Nous avons vu qu'Andrinople et Thessalonique furent presque toujours gouvernés par des fils d'empereurs, la première ville en général par l'aîné, la seconde par le cadet. Thessalonique fut même un moment possédée par une impératrice douairière, Xénée. Le prince qui gouvernait Thessalonique portait ordinairement le titre de despotesse, comme les princes autonomes de l'Épire. Cela mettait presque sur le même rang Thessalonique, légalement sujette, et l'Épire indépendante. Cela faisait revivre le souvenir du royaume latin de Thessalonique. Souvent, le prince gouverneur était à peine plus docile à l'égard du Basileus que ne l'avait été le marquis roi Boniface à l'égard de l'empereur Baudouin. Le même changement se fit dans le thème de Morée. De sa reconquête par Michel VIII, 1258, à l'usurpation de Cantacuzène, il fut gouverné par un simple stratège qui résidait à Misiltra. Son autorité réelle ne s'étendait guère en dehors des forteresses impériales. Les archontes, toparques, philarques, même les stratotailles, et, brochant sur le tout, les républiques urbaines ou paysannes, ne lui étaient guère plus soumis que les barons, chevaliers ou villes de la Morée latine à leur prince. Pas plus les seigneurs de race hellénique que les chefs des tribus slaves ne voulaient entendre parler d'impôts ou de services militaires réguliers. L'organisation des tribus montagnardes était à peu près la même que celle de la montagneuse Albanie. Elle était toute oligarchique. Les chefs de clan avaient les pouvoirs des royautés antiques, quelque peu modifiés sous l'influence d'idées féodales, empruntées à leurs voisins français. Chacun de ces chefs avait son château fort sur quelques pics, sa bande de guerriers ou de brigands, ses paysans, moitié guerriers, moitié serfs. C'était une Grèce tout homérique, avec des mœurs belliqueuses et barbares qu'un fonctionnaire de cette raffinée cour de Byzance était censé gouverner. L'anarchie du Magne sous la domination turque pourrait donner une idée de celle des XIVe et XVe siècles sous l'autorité nominale de Byzance. Les archontes et philarques de ce temps annoncent déjà les bègues de l'époque ottomane, ce qui maintient dans le pays une ombre de pouvoir impérial, comme plus tard une ombre de pouvoir ottoman. C'est précisément que ces chefs turbulents furent incapables de s'entendre pour la faire disparaître. En 1349, Jean VI Cantacuzène substitua au stratège son second fils Manuel avec le titre plus relevé de despotesse. Quand Jean VI abdiqua, 1355, une révolte générale, peut-être à l'instigation de la cour des paléologues, éclata contre son fils. De Byzance arriva un nouveau gouverneur impérial, Hassan. Il fut accueilli comme un libérateur par ses mobiles populations. Manuel dut se réfugier avec ses bandes dans la forteresse de Monemvasia. On ne put l'y forcer, mais Hassan ne tarda pas à voir ses administrés se soulever contre lui. Ils rappelèrent Manuel, qui rentra dans Misitra. La cour de Byzance finit par le confirmer dans une fonction qu'elle ne pouvait lui arracher. Il gouverna jusqu'en 1380. En 1388, l'empereur Jean V Paléologue envoya comme gouverneur son fils Théodore, que l'on appela le despotès Théodore Ier. Pour dompter les archontes, il enrôla des mercenaires ottomans, que commandait ce même Evrenos Beg, plus tard conquérant du pays pour le compte du sultan Bayezid. Il l'employa aussi contre les Latins. Evrenos prit d'assaut Akova, Mat Griffon. En même temps, le despotès battait les Français et faisait prisonnier leur bail, Hugues de Galilée. Les deux tiers de la Morée passèrent alors sous la domination byzantine. Il n'y restait plus que deux seigneuries franques, que celle des Tocco à Clarenza, celle des Centurioni à Calandrizza et en Messénie. En outre, ces deux familles se partageaient l'Élide. Le pape était devenu maître de Patras, et les Vénitiens se maintenaient dans leurs cinq villes maritimes. Théodore Ier, trouvant tout le pays dépeuplé, y établit de nombreuses colonies albanaises, notamment à Gardiki et Tavia. Il fut le témoin impuissant de la première invasion turque, 1387, sous Bazeïd Ier, et mourut en 1407. Il eut pour successeur un autre paléologue, Théodore II, fils de l'empereur Manuel II. Celui-ci vint l'installer à la tête d'une armée, 1414. Il s'occupa, contre le retour probable des Turcs, de relever les fortifications de l'isthme, c'est-à-dire le mur de l'Hexamilion, des 6000. Il lui donna deux fois la hauteur d'une lance, un développement de 3800 toises, avec des fossés profonds, de hauts remparts et 153 tours. Manuel II s'intéressait à ce pays, encore si profondément grec, un des berceaux de la race hellénique. Il réunit une assemblée de chefs à Misitra, 1415, et y tint un discours remarquable sur les devoirs et la mission d'un despotès de Morée. il put se convaincre que les appels au patriotisme et à la concorde trouvaient peu d'écho dans les cœurs de ses chefs de bande. Il eut soin d'emmener avec lui les plus turbulents, après avoir contraint tous les dynastes français, italiens, catalans, aragonais, navarrais, à lui prêter hommage. Cette visite de Manuel II à l'ancien Péloponnèse fut l'occasion de nombreux écrits qui jettent une vive lumière non seulement sur la vie réelle dans la presqu'île, mais sur les idées que les Byzantins se faisaient d'eux-mêmes et de leurs ancêtres helléniques. Un pamphlétaire byzantin, Mazaris, n'a pas assez d'injures pour ces sauvages péloponnésiens. Il prie Dieu que les bourgades de ces impurs, faux, rusés et infâmes toparques soient bientôt prises par notre brave empereur, que ces misérables soient consumés comme la cire se fond au feu, comme le givre se fond au soleil, qu'ils soient enfin asservis sous le joug de notre despotesse porphyrogénète. Il leur prodigue les épithètes de barbares, parjures, assassins, incestueux, porcs, cornus. Plus tard, Georges Scholarios, faisant l'oraison funèbre du despotesse Théodore II, mort en 1448, ne trouve pas d'expression pour flétrir la perversité et la méchanceté de ceux qui lui avaient fait la vie si dure. Il ajoute « Ces hommes ne sont que les héritiers du sol et du nom des anciens Péloponnésiens. Quant à leur vertu, ils en ont hérité moins que des bâtards. » Il y a évidemment un malentendu entre cette Grèce moréote et la Grèce byzantine. En sens contraire, Gémiste Pléthon, qui était un moréote et qui avait fondé une académie à Sparte, Misitra, s'efforçait dans les mémoires qu'il adressait à Manuel II de réfuter ce qu'il appelait des calomnies. « Nous, les Péloponnésiens, sur lesquels vous régnez, nous appartenons à la race des Hellènes, comme le démontrent notre langue et nos antiques institutions. Cette terre fut toujours habitée par les mêmes hommes depuis les temps historiques, et personne ne l'a occupée avant nous. » Plus tard, le cardinal Bessarion, s'adressant à Constantin Dragazès, alors despotesse de Morée, lui dira « Rappelle-toi, ô mon prince, que tu es le maître des Péloponnésiens, et surtout de ces Lacédémoniens qui, dès leur encens, exerçaient la discipline de Lycurgue, après avoir vaincu les Perses à Platée, passèrent en petit nombre en Asie et, sous Agésilas, écrasèrent les barbares. Qu'un seul de ces Lacédémoniens, Xantippe, envoyé aux Carthaginois comme général, brisa les forces de Rome. Et toi, à la tête de tels hommes, tu accompliras des exploits éclatants, et, délivrant l'Europe, tu passeras en Asie pour reprendre ton héritage. » Bessarion conseillait au despoteste d'être avant tout un roi hellène, un roi patriote, exerçant aux armes son peuple, accueillant les proscrits de l'hellénisme, retrempant le droit aux sources pures des coutumes nationales, d'être aussi un roi philosophe, ouvrant des écoles, propageant l'instruction qui, d'esclaves déchus, refera des citoyens. Tout un programme de régénération à la veille de la subversion totale. Fin de la section 68.